bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Puzzi, le pianiste d'Hitler, ouvrage de Thomas Negaroff, va nous intéresser aujourd'hui, mais également le livre des 9000 déportés de France à Dora, le camp de concentration et d'extermination par le travail, des destins qui se croisent face au nazisme, récit de destins croisés. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans les années 1860, le lexicographe Émile Littré fait paraître son dictionnaire de la langue française, son chef-d'œuvre qui demeure une référence aujourd'hui encore. Il y donne la définition du mot « biographie ». Sorte d'histoire qui a pour objet la vie d'un seul homme. Sorte d'histoire, l'expression est jolie. La biographie est une narration, en effet, évidemment nécessaire. Hein. Qui était là, où, quand, qui a fait quoi, quand a-t-il vécu, quand est-elle morte? Mais la biographie a ses limites. Et là surgit immédiatement une formule efficace, empruntée à Pierre Bourdieu, le sociologue. C'est l'illusion biographique. Ah bah quel écart hein, entre la vie vécue et le récit de cette vie. Mais quand l'historien, quand le chercheur, quand le curieux s'empare d'une existence, la biographie est-elle seulement une sorte d'histoire qui a pour objet la vie d'un seul individu? Sans doute pas, à ce moment-là, la biographie devient un monde qui s'ouvre à nous. Toute la semaine dans le corps de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à la Russie secrète. Oui, nous avons été visiter les caves du Kremlin, nous avons été à la rencontre des mystiques et puis nous avons évoqué la contre-culture sous le marteau des émissions à réécouter sur le site internet le franceculture.fr et puis en podcast et la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, une vie des vies face au nazisme, récit de destin croisé avec vous Thomas Negaroff, bonjour. Bonjour Xavier. Thomas Negaroff, vous êtes historien, journaliste, vous enseignez à Sciences Po et vous publiez aux éditions Gallimard un livre intitulé sobrement Puzzi. Puzzi, il y a un bandeau qui précise le pianiste d'Hitler, mais ce Puzzi intrigue. Il faut le dire tout de suite, qui était-il ce pianiste d'Hitler? Alors il s'appelait en réalité Ernst Amstengel. Puzzi était son surnom, ce qui est un peu marrant parce que Puzzi, c'est petit bonhomme en bavarois alors qu'il mesurait quasiment 2 mètres et que c'était plutôt un géant. Certains le considéraient comme un monstre, d'autres comme un clown. C'est tout l'enjeu d'ailleurs du mystère Puzzi. On l'appelle effectivement le pianiste d'Hitler, c'est très très réducteur. Il a joué du piano à Hitler, c'est vrai. D'ailleurs c'est pas anodin, c'était pas pour lui faire plaisir, il lui jouait du Wagner pour le régénérer, ce qui est à mon avis important dans la trame biographique du personnage. Et puis il est resté dans l'histoire comme étant peut-être le seul être humain à avoir été le confident et le pianiste, mais le confident d'Hitler et très proche d'Hitler entre 1922 et 1924-25, un peu plus loin, mais encore dans la machine jusqu'en 1937, et puis d'être les truchements de la grande histoire, de devenir l'informateur de Roosevelt. Donc il a vraiment passé d'un monde à l'autre, mais qui sont les deux mondes de son propre corps, puisqu'il est allemand et américain, allemand par son père et américain par sa mère. Il meurt en 1975. Oui. Toujours vertigineux, hein, ces écarts temporels, c'est-à-dire qu'il a vécu l'avant-nazisme, la montée du nazisme au plus proche, et puis après il passe aux États-Unis. Donc un destin dont vous vous êtes emparé, Thomas Negaroff, avec une forme de narration qui est géniale, hein, ça fonctionne très bien. Non, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment l'historien s'empare d'un destin pour pouvoir le raconter. Et c'est également la démarche que vous avez adoptée, s'emparer de destins juste pour les raconter, et ce sont des destins, c'est pour cela que c'est fascinant, qui ont, eux, également été confrontés à la montée du nazisme. C'est le livre des 9000 déportés de France dans le camp de concentration et d'extermination de Dora. Bonjour Laurent Thierry. Bonjour. Vous êtes historien au Centre d'Histoire et de la Mémoire La Coupole, c'est pas très loin de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Vous êtes directeur scientifique de cet ouvrage, le livre des 9000 déportés à Dora. Et avec vous, Céline Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante documentaliste, vous êtes formatrice à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Juste pour clarifier auprès de nos auditeurs, parce qu'il y a une homonymie évidente entre Laurent Thierry et Céline Thierry, vous vous connaissiez. Voilà. Très peu. Voilà, il y avait quelque chose. Et ce livre, là aussi publié au Cherche Midi, est vraiment conséquent. C'est un ouvrage... Alors, pour donner une idée du format, c'est vrai que c'est une bible. format oui. Bible. Et le papier lui-même, hein, ce papier très fin que nous apprécions beaucoup, le papier Bible, quel était ce projet? Réunir 9000 notices, 9000 biographies de ceux qui ont été déportés à Dora. Alors ce projet, c'est le fruit d'un engagement, un engagement solennel qui a été pris en 1998 envers les anciens déportés de Dora et leurs familles. Mais ce n'est pas un projet mémoriel à la base. C'est-à-dire que c'est un projet qui est lancé par deux historiens, Yves Lemanner, qui était directeur de la Coupole en 1998, et André Cellier, également historien et témoin puisqu'il avait été déporté à Dora. Et André Cellier venait de sortir en 1998 son histoire du camp de Dora, hein, édité à la Découverte, qui fait toujours référence aujourd'hui, un travail remarquable, une histoire contextualisée de ce camp si particulier qui est le camp de Dora. Je pense qu'on y reviendra. Mais en 1988, on était toujours incapable de donner l'identité, de savoir combien de personnes avaient été arrêtées, déportées depuis la France et étaient passées par ce camp. Donc l'idée, un petit peu dans la lignée de ce qui a été fait pour le Métron, hein, le dictionnaire du mouvement ouvrier, l'idée c'était d'aller dans les archives pour identifier ces personnes, connaître leur destin et écrire leur histoire. Alors écrire leur histoire pour leur rendre hommage, rappeler leur passage sur Terre, parce que beaucoup de ces personnes ont disparu et étaient de simples anonymes, hein, j'ai envie de dire. Mais aussi pour l'histoire, parce que travailler sur des parcours individuels, des biographies, c'est aussi combler les lacunes archivistiques sur certaines thématiques, et donc multiplier ces parcours par 10, par 100, par 1000, par 9000, vont nous permettre aujourd'hui d'expliquer des phénomènes plus larges, historiques, liés à l'histoire de la résistance, de la répression en France, et surtout du fonctionnement du système concentrationnaire. Céline Thierry, donc nous avons bien entendu, hein, ce projet est un projet d'ampleur, avec une équipe conséquente, parce qu'il faut du monde pour réaliser toutes ces biographies. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un travail qui a été fait essentiellement par des bénévoles. On est à peu près avec 70 bénévoles qui ont travaillé sur ce projet. La plupart d'entre eux, et c'est à souligner, sont des professeurs d'histoire-géographie, professeurs d'allemand. Pour certains en retraite, pour d'autres toujours en activité. Et je crois que cet engagement, en tout cas du monde de l'éducation, dans le projet du livre des 9000, est vraiment à souligner, parce que c'est un objet scientifique, c'est un objet mémoriel, mais ça va être aussi un formidable outil pédagogique. Oui, formidable outil pédagogique, et puis outil pour les historiens aussi, il faut le dire, hein, de manière factuelle. Il y a des noms, il y en a 9000 et 9000 parcours, avec un système où il y a des croisements possibles sans arrêt, oui. Laurent Thierry. Oui, l'idée c'était aussi de ne pas rester à des histoires figées, individuelles. Nous avons demandé dans le cahier des charges pour les auteurs, ça me permet de compléter un petit peu ce que disait Céline tout de suite, c'est qu'il y a vraiment un groupe, notamment de ce qu'on a appelé le noyau dur, hein, de 6 auteurs, je vais les citer rapidement, Joël Elbois, Edith Alouchery, Bernard Donquer, Lionel Roux, Dominique Mathieu et Claude Favre, qui ont écrit à peu près la moitié de ces notices. Ce sont tous des enseignants. On parlait d'engagement tout à l'heure, c'est un deuxième engagement, c'est l'engagement de ces bénévoles pour ce travail. Et donc la consigne pour eux, avec les données que nous leur avons fournies, les archives qu'ils avaient à synthétiser pour écrire ces histoires, c'était aussi d'essayer de donner des passerelles entre ces vies. Nous avons essayé de reconstituer des groupes, des sociologies, des groupes qui étaient nés dans la résistance, parfois dans le convoi, au camp, ou ensuite au retour pour les survivants avec les familles, par un moyen très simple dans ces notices. À chaque fois qu'un nom est suivi d'un matricule, ça veut dire que cette personne est passé également par Dora, et donc ça permet aux professeurs, aux familles d'aller retrouver, donc d'aller piocher dans ce livre les histoires et de recréer ces groupes, ces sociologies qui se sont créées pendant cette période tragique. C'est pourquoi je suis très content en fait de cette conversation entre vous, Thomas Snegarov, donc biographe de Pudzi, le surnom de celui que l'on résume au pianiste d'Hitler, mais qui est beaucoup plus, parce que c'est un destin entier du XXe siècle. Et une démarche particulière qui est intéressante, et avec vous Laurent Thierry et Céline Thierry, sur cette démarche de compilation, de création de notices, parce que c'est le boulot de biographe, mais avec deux angles différents. Justement, en évoquant la biographie, je vous propose d'écouter ce que disait Christian Boltanski dans Les Matins de France Culture, c'était en novembre 2019, où il s'intéressait à Civil, disait « Oui, moi je m'intéresse pas aux gens célèbres, je m'intéresse aux tout petits ». Ce qui m'intéresse sont toujours des inconnus et des anonymes. Je pense que chacun de nous est totalement unique et pour ça extrêmement important, et que tous les humains sont prodigieux et donc tous les humains méritent mon attention. La grande question que je me suis posée, c'est effectivement l'importance de chacun et sa fragilité. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on se souvient de son grand-père, mais jamais son arrière-grand-père. Et donc c'est ce contraste entre le merveilleux de chaque être humain et le fait que tout ça disparaît tellement rapidement. J'avais une grand-mère, comme la plupart des humains, et c'était, je crois, une femme remarquable, et je pense que je suis le dernier à en souvenir. Peut-être moi et mes frères, mais nous sommes les derniers à s'en souvenir. Et donc, comment on peut disparaître si vite en ayant été, comme chacun, tellement important. Chaque être humain mérite son musée après 60 ans. L'expression est très belle, hein, de Christian Boltanski. Chaque être humain mérite son musée. Alors, ça va nous faire beaucoup de musées, dites-vous. Mais tant mieux, hein, nous aimons les musées. Il y a toujours quelque chose d'étonnant, comment la mémoire transforme les individus. Thomas Negaroff, vous avez étudié Ernst Unsteingel, cet homme que l'on surnomme Pudzi, et je sens que je vais beaucoup le surnommer Pudzi pendant l'émission pour éviter de s'abonner. C'est très intéressant ce personnage, parce que c'est un personnage qui a été connu, qui a, je peux pas dire qu'il y a une célébrité, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais il y a des sources, il y a des documents, et la mémoire l'a effacé. Thomas Negaroff, il y a une rencontre que vous avez faite avec lui. Vous auriez pu, hein, sur la chronologie, ça aurait été possible, mais elle se fait par un intermédiaire. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre démarche. Ce n'est pas un roman, c'est une démarche d'historien qui cherche, qui nous raconte comment il a construit lui-même sa biographie. Quelle était cette rencontre, Thomas Negaroff? C'est la rencontre avec un historien américain qui, effectivement, dans une démarche assez littéraire, pourrait être considéré comme une forme de double. C'est un historien qui s'appelle David Marwell, qui a dirigé le musée de l'Holocauste à New York, qui est un historien juif, et qui, au début des années 1970, très jeune homme, décide de faire un film sur ce personnage, qui, et pour reprendre les mots de Boltanski, est devenu un inconnu. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me fascine, en fait. Vous avez dit très justement, la mémoire oublie. Et pour le coup, Pudzi a été, à un moment donné, partout. Tout le monde, quel que soit le journaliste qui voulait rencontrer Hitler, cherchait Pudzi. Où est Pudzi? Quelqu'un a vu Pudzi? Où est Anfi? Où est Steingel? Il était au cœur du monde. Et il a disparu. Alors c'est la démarche presque inverse de celle de mes collègues, le couple Thierry, puisqu'on peut l'appeler comme ça, qui travaille sur les 9000 de Dora. Puisque là, c'est des gens qui n'avaient pas d'identité quasiment et qui réexistent. Là, c'est l'inverse, une démarche inverse. Et David Marwell, effectivement, me permet d'entrer dans ce personnage parce que en rencontrant Pudzi, il me permet d'entrer dans la maison de Pudzi avec lui, de m'interroger après lui sur les doutes qui l'ont assaillé, parce que quand Marwell, que j'ai rencontré à Washington aujourd'hui, me raconte sa rencontre avec Pudzi, il me raconte qu'en sortant de la maison de ce nazi, parce qu'il faut quand même imaginer que la maison dans laquelle va Marwell, c'est la maison dans laquelle Hitler allait au début des années 1920. Quand Marwell, jeune américain, dans les années 70, se rend chez Pudzi, son oncle aux États-Unis lui dit « Donne-lui, mets-lui un point dans le visage de ma part à ce nazi ». Et il se retrouve face à un être humain, un vieux monsieur, qui le séduit. Et donc il y a toute cette espèce de confusion entre le monstre que l'on imagine rencontrer et quelqu'un qui tente de séduire. Et là, il y a une futaie qui donne envie de rentrer dans le bois pour aller voir ce qui s'y trouve. Et oui, et Thomas, vous nous guidez dans le bois avec ce personnage extrêmement ambigu. Et c'est vrai qu'il le dit, enfin vous rapportez hein, des propos de Pudzi qui dit « J'ai connu tant d'hommes, Churchill, Coolidge, Roosevelt, Taft. » Il a connu tout le monde, Hitler évidemment, bien entendu. Et le sentiment que l'on a après avoir discuté avec lui, en tout cas à travers la narration que vous en faites, c'est qu'il n'en tirait ni gloire ni honte. Et c'est l'ambivalence totale de ce personnage. Il faut rappeler l'importance de Pudzi dans ces années 1920 pour aider Hitler. C'est ce qu'on appelle souvent, dans les manuels scolaires, la montée du nazisme. Oui. Il faut voir comment elle fonctionne, cette montée du nazisme. Et justement, c'est là où la veine biographique permet d'aborder, un peu comme vous, hein, dans votre travail sur Dora, vous éclairez le mécanisme concentrationnaire, les parcours de résistance. Moi, je raconte à travers un homme la montée du nazisme. On a beaucoup raconté la montée du nazisme par l'idéologie, par les systèmes, par l'industrie, par voilà, par des structures. Et moi, j'avais envie de raconter ça aussi par une rencontre. Une rencontre anodine, au hasard. Puzzi est diplômé de Harvard, il est aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, et puis en 1917, quand l'Allemagne rentre en guerre contre les États-Unis, il est, comme beaucoup d'Allemands américains, considéré comme un ennemi de l'intérieur, et il préfère rentrer, bouleversé par une culpabilité d'avoir eu deux de ses frères morts dans l'armée allemande. Donc, il rentre en Allemagne avec l'idée de peut-être écrire quelque chose de l'histoire, sa part de l'histoire, avec une forme de culpabilité. Et puis, par un hasard complet, on lui propose d'aller voir le discours, un discours d'Hitler dans une brasserie, on est en 1922, et il s'y rend. Et là, il voit des gens qui ressemblent à ses frères morts dans les tranchées. Il voit quelque chose, et quelque chose le saisit à ce moment-là, et il voit dans le regard d'Hitler quelque chose qui lui rappelle son frère Egon, mort en Picardie quelque temps avant. Et donc, il y a cette rencontre-là qui se passe, et c'est effectivement, il va jouer un rôle important, pas seulement lui jouer du piano, mais aussi lui donner de l'argent, permettre à la revue du régime d'être publiée désormais quotidiennement. C'est pas anodin, c'est très important. C'est des petites choses, en fait. C'est de rencontrer des grandes familles aristocratiques, c'est de lui jouer du Wagner. Parce que ça peut sembler anodin, mais quand il lui joue du Wagner, il le régénère. Parce que la première fois que Hitler, qui est un fanatique de Wagner, rencontre la famille Wagner et Winifred Wagner, Puzzi est là. Ils vont ensemble à Bayreuth, à Winifred. Ils vont voir Winifred, la belle-fille. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre commune de la famille Wagner. Et ensuite, il va lui jouer et lui jouer et lui jouer du piano en permanence. Moi, j'ai beaucoup pensé au livre de Joseph Kessel que j'aime beaucoup, Les mains du miracle. Vous savez, le masseur de Himmler, qui lui, par son massage, par le fait qu'il soulageait Himmler, a pu sauver des milliers de familles de juifs. Parce qu'il soulageait Himmler, il négociait le soulagement contre le sauvetage de personnes. Eh bien, Puzzi, lui, jouait du piano, mais uniquement pour faire plaisir à son maître et pour le nourrir, comme on peut nourrir un fauve. Donc, c'est pas les mains du miracle, c'est d'autres mains qui apportent davantage de misère, pour le coup. Thomas Negarov, il y a quelque chose à préciser pour la position de Puzzi à côté d'Hitler dans ces années 1920, quand le nazisme progresse. C'est l'aspect idéologique de la chose. Et oui, c'est important aussi parce que c'est le moment où Hitler rédige Mein Kampf, donc l'antisémitisme à plein. Puzzi a un positionnement extrêmement ambigu à ce moment-là, et c'est en ça aussi qu'il est intéressant. Et c'est là où il y a un mystère, Puzzi, parce que personne ne sait véritablement quel était son rôle là-dedans. J'ai une hypothèse. La dimension idéologique très importante, c'est que je vous ai dit que Puzzi était américain et allemand. Il a été diplômé de Harvard. Il a été baigné de toute cette littérature suprémaciste. C'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais qu'on employait beaucoup à l'époque aussi. Madison Grant, par exemple, sur la race, la grande race nordique, etc. L'idée que, finalement, il y avait un Occident qui avait vocation à s'unifier face au judéo-bolchevisme après-guerre. Et Puzzi ne va cesser de tenter de convaincre Hitler que l'avenir est dans l'union de ces deux mondes, voire dans ces trois mondes, en fait, du monde anglo-saxon. Royaume-Uni, États-Unis et Allemagne. Et il va œuvrer à cela. Et quand il lit Mein Kampf, parce que quand Hitler sort de prison de Landsberg, chez qui va-t-il immédiatement en décembre 1924? Chez Léon Stengel, chez Puzzi, il lui montre le texte, et là, Puzzi se dit qu'il a gagné la partie. Parce que le pays qui est le plus cité dans Mein Kampf, ce sont les États-Unis. Et en particulier, les quotas migratoires. Des choses que quelqu'un a dû raconter à Hitler. Et c'est là que Puzzi peut-être a joué un rôle plus important qu'uniquement le pianiste ou uniquement le confident, mais quelqu'un qui a servi à acclimater quelques idées racialistes américaines pour un homme qui n'avait quasiment aucune culture, sinon une culture musicale. Et donc, il y a là quelque chose peut-être qui s'est joué. Il reste un mystère, il reste des hypothèses. Moi, les hypothèses m'intéressent en tant que biographe et historien. Je trouve que ça ouvre un espace mystérieux et un espace dans lequel on peut s'engouffrer. Et l'imaginaire aussi peut s'engouffrer parce que c'est aussi le projet de ce livre. Oui, parce que c'est la limite de la biographie. Absolument. Toujours la base de la biographie. Et c'est essentiel déjà. C'est où, quand, qui, quoi, il est né où, il est mort quand, qui étaient ses parents. Déjà, c'est un élément biographique extrêmement important. Dans le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora, ce camp de concentration allemand, donc un camp de concentration en Allemagne, il a fallu retrouver les biographies de tous ces gens. Je vous vois faire des grands yeux, Céline Thierry. Non, mais c'est un travail gigantesque, surtout que nous sommes sur des périodes où l'accès aux archives est parfois difficile, elles ne sont pas toujours ouvertes. C'est dur de tisser les liens. En fait, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'interrogations auprès des familles. Ah. Oui, alors peut-être pour commencer, c'est vrai que le travail d'écriture, en tout cas, débutait toujours par l'accès à des ressources d'archives. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que le travail a commencé véritablement par un travail en archives. Contrairement à ce qu'on pense, l'histoire des camps de concentration est quand même relativement bien documentée. C'est-à-dire que une masse importante d'archives produites par les SS du temps du fonctionnement des camps a été conservée. Alors certes, elle est dispersée, mais elle est accessible. Et en particulier pour le camp de Dora, qui relevait du camp de Buchenwald au départ, on a la chance d'avoir à disposition une masse importante de documents, de listes d'arrivées, de listes de transferts, de listes d'entrées à l'infirmerie, de listes de décès, de mouvements d'effectifs. Tous les jours, les SS notaient l'effectif du camp, les évadés, les décédés, les rentrées, les sorties. Et donc, en utilisant ces documents originaux, nous sommes allés chercher les noms un par un pour déjà les identifier. Et une fois que ça s'est fait, voilà. Ensuite, une fois que ça c'était fait, donc après nous en tant qu'auteurs, on rentrait aussi par le côté peut-être un petit peu plus intime. On a essayé en tout cas de ne pas faire des biographies très froides, très administratives, mais vraiment de rendre de l'humanité, mettre des mots les plus doux peut-être possibles sur des destins qui ont été totalement brisés. Alors c'est vrai que tout à l'heure vous évoquiez les familles. Parfois, nous avons eu des contacts avec les familles qui ont parfois connu leur père, des destins. Voilà, on a eu des histoires très très difficiles qui nous ont été racontées. Enfin voilà, des cauchemars entendus toutes les nuits. Et dont les enfants, pour lesquels les enfants étaient réveillés, c'était extrêmement difficile. Et puis d'autres familles que l'on rencontre aujourd'hui, comme la semaine dernière à Compiègne, et où des gens viennent vous voir en disant « Vous en savez plus que moi sur mon père. Oui. » Aujourd'hui, grâce à ce livre, on a appris le parcours de notre père, on a mis des noms sur ses compagnons de déportation, on ne savait rien. Donc ce livre, c'est aussi a pour but de mettre du sensible. Voilà. Pour préciser, Laurent Thierry. Lorsque le manuscrit a été finalisé pour envoyer à l'imprimeur, nous étions en contact avec moins de 5% des familles. Donc c'est vraiment des histoires qui ont été écrites à partir des documents croisés, des archives. Peut-être citer, tu parlais tout à l'heure du travail à partir des documents. Les documents que les auteurs ont utilisés en particulier, ce sont ces dossiers qui sont conservés au service historique de la Défense, et en particulier, alors notamment à Vincennes, mais surtout en particulier à Caen, à l'antenne de Caen, qui est un service qui conserve les archives des victimes des conflits contemporains, et notamment les dossiers de pension, de reconnaissance de la mention mort en déportation, mort pour la France, et de l'attribution à partir de 1948 des statuts de déportés politiques et déportés résistants. Et ce sont des dossiers très très complets qui contiennent des rapports de gendarmerie, des archives de l'époque parfois, des documents d'état civil, des témoignages, des rapports de gendarmerie qui nous ont permis de compléter vraiment ces histoires et de trouver aussi ces liens entre ces vies. Et parfois aussi des lettres. Pour exemple, une famille originaire de Normandie, dont j'avais pu consulter le dossier, avait écrit une lettre à l'administration en 46 ou 47, et l'adresse des parents, la rue, porte le nom de leur fils. Forcément, lorsque l'on voit ce type d'information en tant qu'auteur de notices, on n'est pas dans l'administratif, on est vraiment dans l'humain. Thomas Negaroff. Walter Benjamin, dans ses études baudelairiennes, avait essayé de distinguer ce qui faisait un récit d'un roman. Et quand je vous écoute, je me dis, bien sûr, vous avez voulu avoir une écriture très, très droite, mais vous dites qu'il y a forcément du sensible. Et évidemment, ce n'est pas de la fiction ce que vous avez fait, mais Walter Benjamin dit, la différence entre les deux, c'est qu'on voit la main du potier, comme un artisan. Et effectivement, la main du potier, je crois que dans votre travail comme dans le mien, c'est quelque chose d'important. Vous dites il y a 60 bénévoles, mais il y a aussi du coup 60 personnes qui racontent une histoire et qui la touchent. Et donc forcément, on écrit ce qui nous touche et on oublie ce qui nous touche pas. Donc la main du potier, on la trouve aussi dans des notices que certains peuvent considérer comme froides, mais qu'ils ne sont absolument pas, dans un dictionnaire biographique. Effectivement, et d'ailleurs, pour donner un exemple pour illustrer ce que vous venez de dire tous les trois, je prends une notice. Tiercelin Robert, matricule 77 284 à Mittelbau-Dora. Ben là, on trouve les archives, hein, là, c'est factuel. Et puis, on commence à lire. Robert Tiercelin voit le jour le 23 juin 1914 à Tigny, entre Loire et Sologne, dans le Loiret. En 1918, Pierre Tiercelin, son père, revient meurtri d'un cauchemar de 4 ans passé dans les tranchées. Et là, on retrouve ce que vous disiez, Thomas Negaroff. Il y a de la narration. Et puis, on regarde qui a signé cette petite notice. C'est Jean-Pierre Tiercelin. Et là, on se dit, il y a la famille. Oui, son fils. C'est son fils. Voilà. Et donc il y a toute une construction autour de ces personnes, de ces êtres, de ces destins, des archives, quelques souvenirs. Mais en fait, c'est le travail de l'historien. Et vous, Thomas Negaroff, en étudiant Puzzi, vous avez aussi des archives. C'est-à-dire qu'on a un personnage là qui est au contraire de ceux qui n'ont rien demandé, qui ne voulaient pas entrer dans l'histoire. Vous, vous avez quelqu'un qui voulait entrer dans l'histoire. Et qui voulait avoir un destin. Contrairement aux 9000 de Dora qui se serait bien passé de ce destin-là, il voulait avoir un destin, il n'a pas eu le destin qu'il voulait. En général, dans l'histoire, quand on veut avoir un destin, on en a un, mais pas celui qu'on désire avoir. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le destin qu'il voulait avoir. Et ce qui est passionnant dans le travail des archives, j'ai passé beaucoup de temps à Munich dans les archives ou à Washington aussi dans les archives, mais j'ai pu aussi bénéficier du travail de David Marwell qui finalement a fait une thèse plutôt qu'un film. Donc il y a tout un travail qui a été fait de recherche sur Puzzi. Mais ce qui est passionnant, c'est ce qu'il n'y a pas dans les archives. Parce que dans les archives, il y a en général, surtout pour quelqu'un qui veut raconter son, qui veut avoir un destin, dans ses archives, il laisse dans ses archives finalement ce qu'il a envie qu'on retienne de lui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui fait une existence. Et je pense que ce qui fait une existence, c'est aussi les temps morts. C'est aussi, il n'y a pas que l'adré, il y a aussi Lubac, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi l'ombre, il y a aussi ces temps perdus. Il y a tout ce temps-là, tout cet ennui. Et c'est là où la veine romanesque m'aide, parce que je peux rentrer dans ces espaces, dans ces creux d'une existence. Il n'y a pas que des pleins. Parce que s'il n'y a que des pleins, on peut vite, en fait, se faire, permettez-moi l'expression, balader par le personnage. Là, on a des vides. Et les vides sont intéressants. Parce que les vides éclairent souvent, d'ailleurs, les parties les plus lumineuses, en tout cas, de celles qu'on désire être les plus lumineuses d'une existence. Eh bien, Thomas Negaroff, il y a un creux, un vide que vous comblez avec ce Puzzi chez Gallimard, et moi il m'a drôlement intéressé. On ne va pas le retrouver dans les archives, sinon peut-être à le ressentir soi-même, c'est la fascination que pouvait provoquer Hitler, la simple présence d'Hitler, et on le sent bien avec le Puzzi. D'ailleurs, pour l'illustrer, je vous propose d'écouter ce que disait l'écrivain Georges Steiner qui présentait son roman Le transport d'Adolf Hitler. Alors, c'était en 1980 dans Apostrophe, hein, face à Bernard Pivot. Faut rappeler ce qu'est ce roman. Hein. Ouais, roman extraordinaire. Georges Steiner, d'ailleurs, j'ai failli appeler le mien en hommage à Steiner, parce que le titre, c'est Le transport de AH. AH. Et moi, j'ai voulu appeler le mien C'est ma vie AH. Parce que dans les archives, dans la nuit, alors qu'il est ostracisé, loin du régime et qu'il ne rêve plus que de rentrer, on est en 37-38, il y a ces mots retrouvés dans les archives de Puzzi. Il dit, ils m'ont tous trahi, sauf Adolf Hitler. Et en français, il écrit C'est ma vie AH. Je me suis dit, là, il y a un signe. Là, il y a quelque chose qui se joue entre le travail de Steiner et le mien, bien sûr, en toute modestie. Le travail de Steiner étant un roman extraordinaire. Voilà, où il évoque qu'en fait, Hitler n'est pas mort. C'est le roman. Voilà, Hitler n'est pas mort en 1945. Il vit en Amazonie et surtout, il fascine toujours. Ben, écoutez ce qu'en disait Georges Steiner. Hitler, il faut toujours le réveiller. Le rappel d'Hitler à lui-même. Et si, en effet, il entrait par là, dans le studio, tout d'un coup, le vieillard. Là, il arrive. Là. Ici, il arrive. Je parie, je vous jure que tous nous nous lèverions. Et c'est ça, pour moi, le germe du roman. Parce que je voudrais savoir pourquoi. On peut dire surprise, choc, c'est parfaitement vrai. Ça ne suffit pas. Devant l'absolu, devant l'immensité de la nuit, devant ce qui était peut-être l'incarnation du mot qui détruit, songez au début de l'évangile selon saint Jean, cette phrase capitale pour nous tous en Occident, il y a le verbe qui crée. Et en français, c'est curieux, il n'y a pas un verbe décréer, il y a un anéantir, qui n'est pas du tout la même chose. En allemand, on peut jouer avec un verbe qui dit « je décrée ce que j'ai créé ». S'il y a un verbe qui crée, n'y en a-t-il pas un qui peut décréer l'homme et le monde? Et je me demande si Hitler ne détenait pas presque, ou à un millimètre près, ce mot qui anéantit. C'est très fort ce que dit George Steiner quand il présente dans l'émission Apostrophe en 1981 son roman Le transport d'A.H. Adolf Hitler, Thomas Negaroff. C'est pas facile de reprendre la parole derrière Steiner. Effectivement, toute la question de la fascination qu'exerce Hitler, elle est infinie. Et dans le livre, j'ai une autre rencontre que celle de David Marwell qui est extrêmement importante. C'est un cinéaste malheureusement très oublié aujourd'hui, qui s'appelle Hans-Jürgen Silberberg, qui a été l'un des plus grands cinéastes allemands des années 1960-70, et que j'ai rencontré aujourd'hui, qui ne tourne plus rien depuis 30 ans, et qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle Hitler, film d'Allemagne, que je conseille à tout le monde, qui dure 7 heures avec des marionnettes. Ça peut sembler comme ça conceptuel, en fait c'est absolument passionnant. Et quand je rencontre Silberberg, qui est un vieux monsieur aujourd'hui, il y a quelques années à Munich en écrivant mon livre, il me dit, parce que dans son film, Hitler est une marionnette. Et donc, je demande à Silberberg, mais qui tire les ficelles? Qui tient cette marionnette? Et il me regarde avec son sourire et son regard incroyablement bleu. Et il me dit, mais c'est une évidence, non, monsieur Snegaroff? Je dis, je sais pas, c'est les industriels, je ne sais pas. Et il me dit, mais non, c'est le peuple allemand. Alors, je peux vous dire que ça fait partie des rencontres extraordinairement importantes. Et ça renverse, et du coup, ça renverse l'hypothèse Steiner, en fait. Ouais. Qui est que ce n'est pas Hitler qui décrée ou transforme la nation allemande. C'est plutôt la nation allemande qui trouve en Hitler celui qu'elle avait tant cherché. Et là, il y a une fascination qui est inversée, d'une certaine manière. Et qui raconte en tout cas la rencontre entre un homme et un peuple à un moment donné. Et effectivement, à hauteur d'homme de Puzzi, c'est intéressant de voir comment ça se produit à hauteur d'un homme et non pas d'une foultitude, d'une multitude de personnes, mais comment dans le regard de l'un se passe le destin de l'autre. Et puis le regard d'un autre homme, c'est vous, Thomas Negaroff aussi, parce que c'est intéressant dans la construction de l'ouvrage. Il y a du jeu et nous passons d'un chapitre qui est narratif et biographique autour de Puzzi. Et là, on se laisse embarquer évidemment parce qu'il a un destin incroyable. En 1937, ça ne va plus très très bien. Alors, c'est dur de dire avec Hitler. C'est peut-être avec l'entourage d'Hitler que ça ne va plus très bien. Oui, parce que il a connu, comme beaucoup des premiers nazis, l'ostracisation de ceux arrivés plus tard et d'un Goebbels, par exemple, qui ne supporte absolument pas de voir ces gens-là qui ont été autour d'Hitler. Mais Hitler aussi ne supporte pas ces premiers nazis qui l'ont vu misérable. C'est des phénomènes de cour assez classiques. Donc effectivement, il va être ostracisé en 37 avec une blague d'une perversité sans nom, mais je sais pas si on va y revenir, mais en tout cas, il se retrouve... S'il faut le dire, c'est terrible. En fait, il a tellement voulu marquer l'histoire, il arrêtait pas à tout le monde de dire « Ah, si j'avais pu faire la guerre !» Et puis, en fait, ils se sont dit « Bah, on va lui faire une bonne blague, on va lui faire croire qu'il va partir comme agent dans l'Espagne, pendant la guerre d'Espagne, en 37, pour aller aider la propagande des nationalistes face aux républicains. » Et donc, il part en avion sous fausse identité. Et dans l'avion, alors en fait, c'est un coup monté, il l'ignore complètement, le pilote se retourne vers lui et lui dit « On va vous lâcher comme prévu derrière les lignes du parti des Républicains avec un parachute. » Et là, il est terrorisé. Heureusement pour lui, l'avion a un problème technique, se pose à Leipzig et là, il s'enfuit. Et il s'enfuit, notamment, il arrive à Zurich. Et à Zurich, il rencontre, et c'est pas moi qui l'invente, Carl Jung. Et Carl Jung répond à certaines questions que George Steiner posait tout à l'heure sur la fascination qu'exerce Hitler. Donc il y a des rencontres de partout. C'est vrai que ça semble comme ça quasiment trop romanesque. Mais c'est la réalité de cette existence. Et puis, dans cette narration, Thomas Negaroff, il y a le jeu, donc vous avez évoqué ces différentes rencontres, et dans ce jeu, nous pouvons comprendre des choses, et si vous l'écrivez, c'est que ça vous a marqué, certains petits moments, et quand vous vous trouvez à Munich, et vous êtes à la recherche de ce cinéaste, Silberberg, vous marchez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, une jeune dame, enfin une vieille dame d'ailleurs, une vieille dame, et vous lui posez la question, est-ce que vous savez où il est, et qu'est-ce qu'elle vous répond? En fait, elle me demande ce que je fais dans la rue. Je lui parle de... Dès que je croisais quelqu'un dans le quartier de Amstengel, Puzzi, je demandais « Vous connaissez la famille ?» On demande toujours, on sait jamais, c'est le principe. Et puis on espère le hasard. C'est peut-être aussi ce qui distingue le travail d'historien du travail de romancier. C'est que l'historien craint, et vous avez craint, je suis sûr, la fausse causalité, la corrélation qui fait causalité. Moi, je l'ai cherché, je l'ai guetté, je l'adore, parce que ça ouvre effectivement des tas de choses. Et là, donc je lui pose la question, elle me répond pas. Elle me dit non, je sais pas qui c'est. Et puis elle me dit, mais vous parlez bien français, qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Elle était suisse. Et je dis, elle était allemande, mais d'origine suisse. Et je lui dis, j'ai rendez-vous avec un cinéaste, Hans-Jürgen Silberberg. Et là, elle me dit, de manière incroyablement calme, on est en 2018 à Munich, mais il est juif ? C'est la question qu'elle me pose. Voilà. Et donc, je le raconte dans le livre parce que, parce qu'il y a des, c'est des moments. C'est ce va-et-vient qui est intéressant. Ce va-et-vient permanent. Avec le présent, le passé. Enfin, Thomas, vous allez à Munich voir la maison de ce proche d'Hitler, où Hitler, d'ailleurs, a écouté du piano dans les années 1920, et vous regardez aujourd'hui sur la boîte aux lettres, toujours le même nom. Ça fait bizarre, hein. Mais je ne sonne pas. Mais vous ne sonnez pas. Je ne sonne pas. Parce que je n'ai pas envie d'entrer dans contrairement peut-être à vous, j'ai pas envie d'entrer dans la famille. Parce que, j'ai envie de maintenir cette distance avec peut-être un monstre. Voilà, et puis vous regardez quand même par-dessus la haie. Vous mettez sur la pointe des pieds. Mais c'est ça aussi, c'est cette démarche qui nous intéresse, c'est cette curiosité. Et dans la volonté de faire les 9000 biographies de ces déportés de Dora, nous ne sommes pas là uniquement dans la curiosité. Il y a la curiosité au sens, le besoin de savoir qui était qui. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette démarche qui n'est pas uniquement non plus mémorielle. C'est pas uniquement ça. C'est pas dire on va se souvenir en écrivant. Non, vous parliez tout à l'heure de fascination aussi. Et je crois que ça renvoie, ça me paraît important. Ce livre aussi, c'est une sorte de tombeau. Hein, on a 9000 destins dramatiques. Mais ce livre, il est là aussi pour rappeler le lien, justement, cette fascination. Là, je pense au personnage Werner von Braun. Cette fascination de ces scientifiques nazis qui ont cru en Hitler, qui ont cru qu'Hitler allait leur donner les moyens de développer leur projet, certains pacifiques. Et ce livre, il est là aussi pour nous rappeler que ce personnage, dont on a souvent oublié la responsabilité dans ces crimes de masse, notamment à Dora. Hein. Dora, c'est 20 000 morts. Werner von Braun est venu à Dora. Donc, il faut rappeler qui est Werner von Braun. Werner von Braun, aujourd'hui, c'est le concepteur du projet Apollo, de la Saturne V, pour les Américains, qui a emmené les premiers Américains sur la Lune en 1969. Mais en 1943, Werner von Braun, c'est un SS, il a un grade dans la SS, il est major dans la SS, et il a décidé de miser pour Hitler, pour faire gagner la guerre à Hitler, mais surtout, j'ai envie de dire un Allemand qui veut faire gagner la guerre à son pays, c'est assez normal, dans tous les pays on ferait ça, mais là l'enjeu c'est la manière dont ce personnage s'est compromis avec le régime, et les conditions dans lesquelles il a accepté que soit fabriquée cette fusée, la fusée V2, hein, qui va être le missile à la base de tous les lanceurs de l'après-guerre, y compris pour les pays, certains pays européens et les Russes, la manière dont cet homme va se compromettre, et dont cette histoire, une fois que ce personnage va être recruté, emmené par les États-Unis en 1945 pour porter leurs principaux projets militaires puis civils, hein, de la conquête spatiale, commence l'histoire de ce camp de Dora va être complètement effacé de la mémoire collective, et il faudra attendre très très longtemps pour qu'on commence à parler de ce camp. Et on se rend compte aujourd'hui, dans nos rencontres avec les journalistes, même avec certains historiens, que ce camp de Dora, à côté des grands camps plus connus comme Buchenwald, comme Dachau ou bien entendu comme Auschwitz, a été complètement effacé de la mémoire collective. Alors que d'un point de vue historique, c'est le dernier des grands camps créés, hein, en novembre 1944, il est par la SS, par Himmler. Il prend le statut de Concentrationslager au même titre que Buchenwald, que Dachau, qu'à Auschwitz. Il se dote des mêmes équipements que tous les grands camps, hein, un crématoire, un bordel, une administration propre, une immatriculation propre. Mais du fait de ce lien particulier avec cette recherche scientifique sur ces fusées, cette compromission de ces scientifiques, en particulier de Werner von Braun, cette histoire a été complètement effacée de la mémoire collective après 1945. C'est une tirée. Oui, tout à l'heure, Thomas parlait de parcours individuel et de comment intéresser aussi les plus jeunes à l'histoire. En tant qu'auteur, tout à l'heure, je parlais des enseignants qui se sont impliqués, investis dans ce dictionnaire. L'objectif aussi, Laurent parlait d'un objet mémoriel, mais c'est un formidable outil pédagogique. À la fin du dictionnaire, il y a un index par département. Alors, ce qui est effroyable, c'est qu'aucun département n'est épargné. C'est-à-dire qu'il y a eu des déportés passés par Dora dans tous les départements de France. Et ça, en tant qu'enseignant, c'est un formidable outil, parce parce que à partir d'histoires singulières, de parcours individuels, de noms que l'on peut parfois retrouver sur des plaques de rue, sur des noms de lycées. Dans l'Orne, on a un lycée qui s'appelle le lycée Marcel Mézin à Alençon. Marcel Mézin a été déporté à Dora. À partir d'une notice biographique, c'est aussi tisser des liens, c'est tisser, retisser en tout cas des histoires et parler de la plus grande histoire, parler de la résistance, parler de la déportation, parler de l'engagement, pourquoi à 17, 18 ans on s'engage, et pour l'avoir vécu en tout cas avec des lycéens, c'est extrêmement parlant de partir de ces individualités. Thomas Negaroff. Votre travail me fait penser à deux autres travaux que vous connaissez certainement, le travail de Claire Zalk sur les 991 Juifs de Lens, et puis un travail documentaire devenu un livre de Ruth Zilbermann, 209 rue Saint-Maur, qui est un travail extraordinaire. Un immeuble pendant la guerre, et voilà, elle travaille, en fait c'est de la micro-histoire, on travaille le destin de chacun de ces personnages, et puis effectivement, quand on lève le voile sur des existences qui apparemment n'ont laissé aucune trace, eh bien on voit un océan de traces apparaître. Et puis l'important, c'est toujours aussi cette émotion, cette chair qu'il y a dans l'histoire. L'émotion, nous allons la vivre là à partir de deux documents. Le premier vous concerne, Thomas Negaroff. C'est étonnant, écoutez, nous allons entendre Ernst Henschwengel, donc Pudzi, qui parle, on est en 1935, une archive, alors il parle du sculpteur allemand Joseph Thorak, vous allez entendre, on la laisse, il parle en anglais, il est américain aussi, il parle du président Edinburgh, il parle de buste de Mussolini qui a été fait, il parle aussi d'une magnifique tête de Kemal Pacha, et puis il parle évidemment de la tête du chancelier Hitler, et puis après, vous allez voir, il dit, ouais, je vais vous faire un peu de musique. You remember his bust of the late president Hindenburg, and now he has become famous through his new work of a sculpture of after the head of Pilsudski and Mussolini and a wonderful head of Kemal Pasha. And this morning you will see his newest work, that's the head of Chancellor Adolf Hitler. You can see it right over here. Well, I'm going to play you my new piece. A new song called The Harvest Song. Et là, c'est parti pour la musique un peu distante. Oui. Parce que la bande n'est pas très. Une très de ses compositions, parce qu'il composait, et je crois que c'est l'un de ses grands drames, peut-être partagé avec Hitler, hein, c'est de ne pas avoir été reconnu comme artiste. Thomas Negaroff, vous publiez Pudzi chez Gallimard, donc une biographie, mais avec le regard de l'historien qui construit sa biographie, et tout cela est tissé comme un roman, et ça se lit comme un roman, vous savez, selon l'expression pour dire que ça se lit bien. Mais j'ai pas envie de vous poser de questions au sens où il ne serait pas possible de tout dire en une heure d'émission. Alors là, il ne reste pas une heure, mais on le sent bien. Il y a encore un destin qui continue après la guerre. Ah oui. Et en plus, il y a toute une dimension qui était importante pour moi. C'était de raconter à travers Pudzi tous les États-Unis fascistes et nazis, en fait, des années 20 et années 30. Années 30, bien sûr. Années 20, par exemple, quand Pudzi, diplômé de Harvard en 1909, en 1934, il y a les 25 ans de sa promotion de Harvard, il est invité en grande pompe à Harvard, lui qui est membre du régime. Il est nazi, il arrive avec son uniforme, il est chef de la presse étrangère, donc il est invité en grande pompe. Ça me permet aussi de raconter à quel point, depuis les années 20, il y a des quotas d'étudiants juifs à Yale, à Princeton ou à Columbia. Ça me permet aussi de raconter le Madison Square Garden, plein à ras-bord de croix gammées à la fin des années 30. Donc il a, quand je disais tout à l'heure qu'il avait tenté de réunir ces deux mondes, c'est pas un fou dingue qui a un délire personnel, c'est qu'il sait très bien qu'il y a un potentiel d'une internationale fasciste qui dépasserait l'Atlantique. Et puis Thomas, bah, vous l'évoquez, et je pense que c'est un bon résumé, ce que David Marouel, qui prévoyait de faire un film sur ce personnage, écrit comme synopsis, donc vous le dites bien, hein, le synopsis qui ne deviendra jamais un film, c'est l'histoire d'un homme qui fut l'ami d'un monstre, oui, l'ami d'un monstre, et qui demeura charmant. En fait, c'est ça aussi, cette émotion qui nous intéresse. Et l'autre émotion que voilà, je vous ai promise, elle est en rapport avec ce livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora, parce qu'ils ne sont pas tous morts à Dora, hein, faut bien le rappeler. Écoutez dans le documentaire qui est issu de tout ce projet, les 9000 vies du camp nazi de Mittelbau-Dora, ce que disait enfin ce que dit Eugène Laurent, ancien déporté, quand il parle du livre. Et là aussi, c'est émouvant. Je suis vraiment heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est une grande joie pour les déportés du Nord. C'est très bien parce que ça va faire pour des générations. C'est une très grande histoire, c'est surtout de Dora. Parce que Dora, on était le V2. Ça, c'est un cadeau à toute ma famille et à l'association, parce qu'il y en a d'autres. Le premier qui est mort, il avait 20 ans. Ah, oh, ben, j'aime le livre, hein. C'est que je m'y attendais pas. C'est une surprise. Et qui restera dans l'histoire de la famille. Je m'y attendais pas, c'est une surprise. Eugène Laurent, ancien déporté de Dora, qui parle de ce livre, le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora. Les retours que vous avez pu avoir, Thierry Laurent, Céline Thierry, des familles. Alors, je pense qu'il faut, c'est aussi l'occasion de saluer je parlais d'engagement, hein, l'engagement de la coupole en 98, l'engagement des bénévoles. Mais aujourd'hui, il faut aussi saluer l'engagement d'un éditeur, et en particulier son président fondateur, Philippe Héraclès, parce que il est allé bien au-delà du projet d'édition, hein, puisque citer l'éditeur. Le Cherche-Midi, Philippe Héraclès. Parce que, voilà, Philippe Héraclès, non seulement a choisi d'éditer, ce qui n'était pas une mince affaire, vu la taille du livre, hein, c'est 29 millions de signes, je pense que ça... Pour tous ceux qui publient des livres, 29 millions de signes, c'est énorme, hein, parce que... C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, hein. Quand on est à 400 000, c'est quelque chose. Voilà, on a compté, si vous lisez une notice par jour, ça met 25 ans, faut 25 ans pour le lire en intégralité. Enfin, voilà, mais non seulement... Le Cherche Midi s'est engagé à l'idée, mais en plus a décidé, et l'a financé intégralement, hein, de produire 9000 exemplaires numérotés que nous offrons aux familles, un exemplaire par famille identifiée. Donc c'est une démarche aujourd'hui que nous faisons, nous communiquons auprès des familles, et évidemment aussi auprès des anciens déportés. Donc Eugène Laurent, c'est un exemple. Nous, on est très heureux d'avoir pu lui faire remettre son exemplaire. Il a 99 ans. Avec Céline, nous sommes allés remettre cet exemplaire à deux anciens déportés aussi, Roland Boisson et André Faveux à Dax au mois de juillet. Évidemment, c'est des moments très très forts. On est en contact avec un peu moins d'une petite vingtaine de déportés encore vivants. Bah, merci beaucoup en tout cas à vous deux, Laurent Thierry, Céline Thierry, de nous avoir présenté le livre des 9000 déportés de France à Dora, camp de concentration et d'extermination par le travail. C'est un projet gigantesque et... Bah, nous aimons les projets gigantesques. Magnifique projet. Ouais, merci beaucoup aussi Thomas Negarov pour Poudzi, parce que là aussi c'est un projet pas évident. Comment raconter celui qui fut le proche d'Hitler et qui a terminé sa vie aux États-Unis et qui était aussi proche de Roosevelt. Il le dit, je dois être le seul homme au monde à avoir été proche et de Franklin Delano Roosevelt et d'Adolf Hitler. C'est chez Gallimard Poudzi, c'est au Cherche Midi, le livre des 9000 déportés de Dora. Merci beaucoup. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous avons un journal qui s'intéresse à toutes ces statues déboulonnées, mais qu'en faire ? L'épidémie de déboulonnage de statues controversées a touché le Groenland aussi. Le débat a fait rage dans la ville de Nuuk autour de Hans Egede, considéré comme le père de la colonisation danoise du Groenland au XVIIIe siècle, dont l'effigie a finalement été sauvée par un vote numérique après une bataille intergénérationnelle. Elles sont pourtant nombreuses à avoir disparu de leur socle depuis le printemps, ces statues d'hommes jusqu'ici illustres aussi bien aux États-Unis que dans les anciennes métropoles coloniales. Mais que faire de ces statues déchues, ces reliques d'un passé répudié ? Certains proposent de les accompagner d'un cartel mentionnant la complexité de leur histoire, un cartel qui ne sera jamais aussi grand que le monument qu'ils commentent. D'autres proposent plutôt de les rétablir à leur emplacement et d'en édifier d'autres en lien avec les célébrations désirables aujourd'hui, avec la perspective de nous retrouver dans une forêt de statues, une bataille de mémoire de granit, de marbre et de calcaire dans l'espace public. On pourrait imaginer d'ailleurs changer nos adresses. Je n'habite plus au 57 rue des Acacias, mais entre Colbert et Frantz Fanon, juste derrière Churchill et Gandhi. Autrement dit, une transposition in situ de notre intersectionnalité historique.